J'étais seule dans la salle d'attente. Alors, je suis dans une salle d'attente de médecin. J'étais seule dans la salle d'attente, assise dos à la fenêtre. Il était 10 heures passées et c'est d'abord la poussette que j'avais vue surgir dans l'entrée sombre. Puis, une très jeune femme était apparue, tout en rondeur, habillée de sombre. Elle avait installé l'engin au centre de la pièce étroite, face à moi, mais sa capote rabattue cachait l'enfant qu'elle transportait. Puis, elle s'était assise contre le mur de droite, sans répondre au bonjour que je lui avais adressé. Est-ce que j'avais parlé assez fort? Sans que nos yeux se croisent non plus. C'est son corps d'abord qui m'avait intriguée. Elle avait ce corps ramassé des femmes du Sud, petite taille, jambes courtes, seins et fesses. Un corps de femme du peuple, j'écris, dont les chairs s'épanouissent dans les fonctions de nourrir, d'élever, de vieillir, dans la fonction érotique aussi, car les chairs réjouissent les hommes. Avait-elle fait un enfant à 20 ans à peine, et depuis, ni études, ni boulot? Et peut-être que son ventre rebondi accueillait déjà un deuxième enfant. Mais peut-être n'était-elle pas du Sud, portugaise ou grecque, mais slave, ou bien émigrée de ces bourgades urbaines du nord de la France, paumée de la modernité, ou encore simplement venue à pied d'une de ces cités HLM, vieilles d'un siècle en bordure du périphérique, qu'on se lègue comme un bien de génération en génération. Cette indécision des origines, la pâleur de la peau grasse, des cheveux noirs frisottants tirés en chignon bas dans la nuque, le visage sans charme ni laideur. Elle était vêtue d'une tunique évasée faite d'une superposition de tissus moirés, sombres, tout son torse s'évasait avec, des seins aux hanches et cuisses, et ses jambes étaient boudinées dans des leggings noirs. Elle avait au pied de ses bottines basses, coups de pied larges, ornées sur le côté d'une bande de gros clous à tête carrée. On en trouvait à 15 € la paire sur les marchés du quartier, en mauvais cuir et semelle épaisse. C'était mode rebelle chez les lycéennes. Même en été, certaines s'affichaient avec. Enfin, qu'est-ce que j'en sais de la mode lycéenne? Et à son cou pendait une de ces lanières en nylon rouge terminée par un clip, auquel était attaché un smartphone sur lequel elle s'était mise à tapoter, sitôt assise. De temps en temps, elle posait une main sur son ventre rebondi. Enceinte de nouveau, c'était donc vrai? C'est alors qu'un petit rire était sorti de sous la capote. Un petit rire et deux menottes qui s'accrochaient à la bordure de la poussette et la secouaient. Sans un mot, la jeune femme l'avait relevée et une gamine était apparue, qui me souriait. Comme chez sa mère, ses cheveux très noirs étaient tirés à l'arrière et noués en chignon par un élastique. Des mèches frisées s'en échappaient. Ses cheveux si fins, des jeunes enfants. 2 ans, pas plus, de cet âge curieux qui cherche à entrer dans l'échange par n'importe quel biais. La voix, le rire, les bras, les jambes, le regard, tout du corps tendu vers l'autre, qu'il soit un familier ou un inconnu. Mignonne, si mignonne, pensais-je. Et c'est par la lumière de son visage qu'elle l'était, non par ses traits. Son sourire rayonnait de me voir la regarder. Elle était chaudement vêtue d'une de ces combinaisons d'hiver qui enveloppent les enfants des pieds à la tête et s'ouvrent par une longue fermeture éclair, tout du long. Il faudrait qu'elle la déshabille, avais-je pensé. Il fait trop chaud dans cette salle d'attente pour la laisser couverte. Mais sa mère ne la regardait pas. Elle ne lui parlait pas. Elle tapait ses textos. Et je passais d'un visage à l'autre, indiscrète, curieuse, étonnée. Quelle incompréhensible différence d'expression entre les deux. L'impassibilité du visage de la mère, lisse d'expression, absorbée par son smartphone. Aucun trait mobile, bouche fermée, yeux inaccessibles. Ailleurs, elle était, avec d'autres. Et chez sa fille, ces petites roucoulades, ces babillages et jeux avec les sons qui sont nos premiers plaisirs du langage, ainsi que cette curiosité qu'elle avait explorée du regard la pièce, les affiches au mur, l'engin par terre d'où s'échappait de la musique, et moi qui la regardais et lui souriais. Et soudain, en se contorsionnant, en dépit de cette combinaison intégrale qui la contraignait, elle avait réussi, en se soulevant sur ses pieds, à découvrir, dans l'angle opposé, le petit tas de jouets près de la table basse. Il y avait un xylophone en plastique, un circuit, et ses grosses automobiles en plastique, une valise de cubes, quelques personnages de Lego. Toute cette espérance de couleurs, de mouvements, de bruit. Alors son babillage avait pris une note plus aiguë, joyeuse. Ses mains, qui ne savaient pas encore montrer du doigt, s'agrippaient à la poussette, de ne pas pouvoir saisir tous ces plaisirs-là. D'autres auraient déjà hurlé de frustration. Elle non. D'une intelligence délicieuse, avais-je pensé, celle qui sait s'ouvrir toujours, stimulée dans rien, curieuse. C'est alors que la jeune femme avait parlé. Elle avait prononcé une seule phrase, sans manifester rien d'autre, ni impatience, ni colère. Rien, sans même regarder sa fille. « Tu t'amuseras à la maison. » Quelle phrase bizarre !« Tu t'amuseras à la maison. » Cette lanière en nylon rouge qui pendait de son cou, du genre de celle qu'on offre comme gadget publicitaire, avec logo et nom de la marque. Cette lanière qui était une attache infantile, non? N'était-ce pas au cou des enfants qu'on suspendait ainsi les clés de la maison? Parfois, des personnes âgées dans la rue se protègent ainsi des tentatives de vol. Ce bonheur-là de sa gamine heureuse, qu'est-ce qu'elle en voyait? Est-ce qu'elle en profitait parfois? Et à peine la pensée exprimée, je me suis sentie imbécile. 6 jeunes mères de bientôt 2 enfants et le portable autour du cou pour la relier au monde de ses propres plaisirs. Pour une fois qu'elle avait un peu la paix. Mais quand même, cette indifférence, tu t'amuseras à la maison, ailleurs, une autre fois, jamais. On dit que les enfants apprennent à sourire dans l'imitation des proches, même s'il existe un réflexe génétique du sourire, car même un nourrisson aveugle sait. Ou plutôt que la capacité de sourire d'une personne dépendrait du bagage affectif que l'on engrangerait depuis notre naissance. Amour, rire, parole, caresse, ce don qu'est le regard de l'autre sur soi qui nous fait exister. M'était revenu le vague souvenir de ces enfants des orphelinats roumains sous la dictature des Ceausescu, prisonniers de leur lit à barreaux, nourris à distance, jamais embrassés, jamais tenus dans des bras, qui n'avaient pas acquis la capacité de sourire, et pour qui, lorsqu'ils furent libérés, le sourire naissant sur un visage était une expression indéchiffrable, qui pouvait même faire naître chez certains de ces orphelins une panique irraisonnable. Tant de joie ouverte chez cette gamine. Peut-être tenait-elle cela de son père, avais-je espéré. Mais ce lien, mère et fille, ce lien si fort pour le meilleur et pour le pire, de qui une enfant apprend-elle le bonheur, le mutisme, la crainte ou le plaisir de vivre? Comment fait-on pour naître d'une femme et devenir une autre femme? Voilà.